Cette gueule a mis à l'amende toutes les filles de la Deux-Bois sur un pas de Kizomba. Elle t'emmène à Kinshasa. Elle crée trop de problèmes, maman. Les boucs sont jaloux car elle danse avec moi. C'est sur la piste de danse que l'on jette ça. S'il y a problème, faut appeler Mbila. Jolie déhanchée, je vais t'emmener. On s'arrêtera jamais, pas besoin de parler. Sur la piste ça pète, pète, pète. T'es tellement belle qu'il perd la tête, tête, tête. Mais de tes go, les gens qui te portent la poisson. Qui demandent ton adresse, qui veut te frotter sur ma mélo. Qui te prendront pour un tête, ma belle, il veut juste Keblo. Je te veux pour la vie, pas pour le télo. Jolie déhanchée, je vais t'emmener. On s'arrêtera jamais, pas besoin de parler. Posé sur le bas du dos, nos hanches au synchro sur le tempo. Et pas de gauche à droite sous la mélo. On descend et on monte tout en douceur. Ma guapa, c'est moi, viens, on s'arrête pas. Le temps passe, ma chérie, ne me lâche pas. Laisse-moi le temps de te gouverner. Je veux que tu m'apprennes à suivre tes rangs. Que tu m'apprennes, yeah.